Rajale ma justa ma bena jani se le tane droit pour la musique congolaise. Si mita eri jago doit refaire son temps, donc soyez attentifs. Oh mama eh, et si boli aki, ba papa eh, et si bombe eh. Merci à tout l'aro ba eh. Voilà nini. Ah, voilà nini. Bazanga, go baby, ma. Pesa bazanga, go baby, ma. Kele. Jean-Jacques Mayu, Africa numéro 1. Promesa. Hata yomogo mese zaki.